arriver. La la la, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vous écoutez Sous pression, zone sèche avec Rec 105.5 FM. Je m'appelle Mathieu, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'âge. Je fais jouer du punk, du sky, du hardcore, tout en français. Et cette semaine, c'est une émission spéciale parce que CHRY est en pleine période de financement. C'est la campagne de financement de CHRY, la station de radio. C'est le temps de l'année où on demande aux auditeurs de nous aider, de faire une petite contribution financière pour appuyer la station de radio. CHRY, une station de radio communautaire et à but non lucratif. Elle nous a aidé à continuer à diffuser pendant les prochaines années, pendant l'année qui va suivre et pendant les prochaines années. Ça fait aussi 25 ans là, cette année qu'on est en onde et on marque un événement quand même important. Alors on compte sur vous pour faire un petit don pour nous appuyer à continuer pendant les 25 prochaines années. Alors appelez-nous 416-736-5656, 416-736-5656. Si vous faites un don, pendant la prochaine heure, on a des petits cadeaux pour vous, mais restez à l'écoute, je vais vous parler de ça un peu plus tard dans l'émission. Salut tout le monde, vous écoutez Sous pression, zone CHRY 105.5 FM. On vient d'écouter du Mayday, la chanson Coup pour coup tirée de un EP éponyme qui vient tout juste de sortir, le groupe montréalais de Oi! De Street Punk. C'était vraiment bon. Et puis, en tout cas, j'ai fait jouer la même chanson la semaine passée. J'avais l'intention de faire jouer une chanson différente cette semaine, mais j'ai mis la mauvaise chanson. Coudonc, c'est des choses qui arrivent. Bon, si vous voulez toujours de nous rejoindre, je m'appelle Mathieu, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vous fais jouer du punk, du ska, du hardcore, tout en français. Et c'est comme cette semaine, c'est une émission spéciale, c'est l'émission de pendant la campagne de levée de fonds de CHRY, c'est le temps de l'année où on demande aux auditeurs de nous aider un peu, d'appuyer la radio communautaire en faisant un don pour permettre à CHRY de continuer à diffuser 24 sur 24, 7 jours 7 par semaine, 365 jours par année. Comme on est une radio communautaire à but non lucratif, on n'est pas une radio commerciale, on vit de l'appui de la communauté. Alors, on compte sur vous une fois par année pour nous aider à faire un petit coup de main. Et vous pouvez nous aider tout de suite en faisant un appel 416-736-5656, 416-736-5656. Il y a du monde au téléphone prêt et prête à prendre votre don. Alors, appelez-nous 416-736-5656. Et cette année, comme l'année passée, je fais ça un peu à chaque année. Ceux et celles qui font un don de 20$ ou plus, je vous offre un CD, une compilation originale de Sous Pression. Alors, avec plein de groupes, des groupes comme... C'est la même compilation que l'année passée. C'est la deuxième version de la compil Sous Pression. C'est avec des groupes comme L'Équipe, Maladroit, le 8-6 Crew, aussi des groupes Marabouts, aussi plein de groupes. C'est une excellente compil de punk, de ska, hardcore francophone. Ça vaut vraiment la peine. Alors, faites un don de 20$. On va vous envoyer ça. Alors, rappelez-nous 416-736-5656. Sinon, si vous voulez faire un don en ligne, un don très sécuritaire, vous pouvez visiter chry.fm, faire un don en ligne. Ou sinon, il y a de l'information sur le site web de Sous Pression, souspression.wordpress.com, souspression.wordpress.com. Il y a de l'information, vous pouvez faire un don. Et on vient d'avoir un don. Oui, ça commence bien là, l'émission. Alors, continuez à appeler. Et vous continuez à faire de la bonne musique. Alors, je vous présente une prochaine chanson par All Control de leur split. Ils ont sorti cette année. La chanson s'appelle Rien à prouver. Alors, appelez-nous 416-736-5656. Oh, Salut, vous écoutez CHL Grec 105.5 FM, l'émission Sous Pression. On vient d'écouter Hors Contrôle, la chanson Rien à prouver. L'excellent groupe de Oi! The Street Punk de français qui existe depuis quelques temps. C'est un bon groupe. Alors, c'est, comme on a parlé un peu plus tôt dans l'émission, c'est l'émission spéciale de la campagne de financement de CHL Grec. Alors, c'est le temps de l'année où on vous demande de faire un petit don pour appuyer la radio communautaire. Appelez-nous 416-736-5656. 416-736-5656. Faites un petit don. Si vous faites un don de 20$ ou plus, vous allez vous mériter une compilation originale de Punk the Skies Hardcore francophone qu'on a créé à l'aide de plusieurs groupes québécois et aussi des groupes français qui nous ont aidés, qui ont contribué une chanson pour aider à supporter la radio communautaire ici, CHL Grec. Et si vous faites aussi un don, c'est pas sur le CD, si vous faites un don de 25$, d'au moins 25$, vous pouvez vous permettre une tasse de café, alors une tasse, mais pas la tasse, pas le café, mais une tasse. Une tasse avec le logo de CHL Grec. Vous allez avoir beaucoup de style en buvant votre café, tout le monde va être jaloux. Et si vous faites un don de 30$ ou plus, ou de 30$, vous pouvez vous permettre une bouteille d'eau en métal ou un thermo en métal pour transporter vos breuvages chauds, votre thé ou votre café. Et à 40$, vous allez vous permettre une tuque, un chapeau ou un foulard. Ils sont super beaux. Je les ai vus, les tuques, les chapeaux, les foulards. Et ma copine, l'année passée, s'est procuré un foulard, puis elle porte tout le temps, c'est vraiment beau, avec le logo de CHL Grec. C'est une bonne façon de montrer son appui pour la radio communautaire. Aussi, si vous voulez, faire un petit don de 50$, vous pouvez avoir un t-shirt avec un t-shirt noir ou blanc avec le logo de CHL Grec, avec le 25 qui représente les 25 années de CHL Grec. Un don de 105$ et 50 sous, vous pouvez vous permettre d'avoir un manteau et une bouteille d'eau, ou un manteau et une tasse. C'est deux beaux petits cadeaux. Vaut la peine de vous procurer ça. J'ai vu le manteau. Si vous procurez le manteau, c'est moi qui vais être jaloux. Ce qui est vraiment beau. 200$, donc de 200$ ou plus, vous avez un sac et un t-shirt. Alors, on vous offre beaucoup de petits cadeaux afin de vous remercier d'appuyer la radio communautaire. C'est notre façon de vous remercier pour votre appui, vos contributions financières pendant notre période de financement. Alors, à part de ça, vous pouvez aussi, comme j'ai dit, le CD, la compilation de Punk Sky Hardcore francophone, 10 morceaux, avec un don de 20$ ou plus. Alors, si vous voulez faire ça, appelez-nous 416-736-5656, 416-736-5656. Sinon, si vous êtes à l'extérieur de la région torontoise, ou si vous êtes peut-être à l'extérieur du Canada, vous pouvez visiter le site web chry.fm pour faire un don. Pour appuyer la station communautaire, ou bien vous pouvez faire visiter le site web de Sous Pression. C'est souspression.wordpress.com. Souspression.wordpress.com. Il y a de l'information concernant les façons dont vous pouvez faire un don en ligne très sécuritaire pour appuyer la radio communautaire. Et si vous êtes bien sûr à l'extérieur de la ville de Toronto, vous faites un don en ligne. N'oubliez surtout pas de nous laisser votre adresse, sinon on ne pourra pas vous envoyer le CD, la compilation. Alors, je vais faire une petite pause annonce et on retourne dans quelques minutes avec plus de musique. Faire jouer un peu de Nick à feu. Appelez 416-736-5656 pour faire un don. 416-736-5656. Je vais rêver en pire. Salut, vous écoutez Sous Pression, zone CHR Grec 105.5 FM. Tiens, un peu de musique. Bon. Un peu de collabo en arrière-plan. C'était, on vient d'écouter Nick à feu, la chanson Vaurien de leur album Lendemain de veille pour les pas fiables. Un excellent album par le groupe, si je me trompe pas, c'est le premier album. Le groupe de Rouyn-Noranda. Alors, rappelez-nous, 416-736-5656, 416-736-5656 pour faire un petit don et appuyer la radio communautaire CHL Grec 105.5 FM. Et CHL Grec 105.5 FM, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est une radio communautaire à but non lucratif. On n'existe pas pour faire de l'argent, on existe pour servir à la communauté, pour offrir de la programmation alternative que les gens, qu'on n'entend vraiment pas la radio commerciale. Et parce qu'on est une radio communautaire, on compte sur les dons et la générosité de la communauté pour nous aider, les dons et les contributions financières de nos auditeurs et nos auditrices. Alors, c'est vraiment pour ça qu'une fois par année, on vous demande de faire une petite contribution, parce qu'on peut pas exister sans vous. Et si je peux juste me permettre de faire personnaliser ça un peu... Je suis impliqué dans la radio communautaire depuis 8 ans maintenant. J'ai commencé à Ottawa, à la station de radio CHUO, 89.1 FM, à l'Université d'Ottawa. En 2004, j'étais co-animateur d'une émission de punk francophone, un peu, pas exactement comme Sous Pression. On jouait de la musique aussi en anglais, mais on parlait en français. Et ça s'appelait Léonard et le Renard. Et pour moi, c'était vraiment un privilège de pouvoir faire partie de cette émission-là et faire partie de la radio communautaire. Parce que pour moi, personnellement, la radio communautaire, en grandissant, quand j'étais adolescent, dans les années 90, ça fait bien longtemps, là, la radio communautaire a vraiment été une ressource pour me permettre à découvrir la nouvelle musique. Avant qu'on avait l'Internet, où l'Internet était dans tout au début de l'Internet, la radio communautaire servait de ressource pour me permettre, j'ai aussi des amis aussi, permettait à des petits jeunes comme moi, des petits morvieux dans leur sous-sol de leurs parents, écouter, tu sais, nous permettait de découvrir la nouvelle musique, la musique alternative qu'on connaissait pas, qu'on pouvait pas entendre dans la radio commerciale. Et dans le temps, à CHUO, c'était l'émission Léonard et le Renard faisait jouer du punk en français et en anglais, du crust et du ska, des groupes comme du Banlieue Rouge. C'est aux ondes c'est la radio communautaire que j'ai connu le groupe Banlieue Rouge. J'ai aussi connu des groupes comme Minor Threat, tout ça, j'ai tout connu ça grâce à la radio communautaire. Et je sais que je suis pas le seul, parce que quand je parle à ceux et celles, tous les bénévoles ici à CHUO Grec, parce qu'on est tous bénévoles, chaque voix que vous entendez aux ondes de CHL Grec, c'est une voix, c'est quelqu'un qui fait du bénévolat. On s'est jamais fait payer une scène pour être ici et on est content, on aime ça. Chaque personne à qui j'ai parlé ici à CHL Grec, on a toutes les histoires vraiment semblables. On a tous ces ouais, la radio communautaire, j'écoutais ça quand j'étais jeune, c'est pour ça que je suis venu m'impliquer. Et alors, pour moi, ça fait vraiment preuve des services que la radio communautaire peut offrir et du rôle que la radio communautaire peut jouer dans la communauté, dans la vie des gens, parce qu'on offre vraiment de la programmation alternative que vous entendez pas à la radio. Et la seule raison qu'on peut faire ça, c'est à cause de vous. C'est vous, on compte sur vos contributions financières. Alors, si vous nous appelez 416-736-5656, 416-736-5656, vous allez aider à la prochaine génération de pouvoir t'aider. Vous allez leur aider à découvrir la nouvelle musique. Des petits jeunes comme moi je l'étais, je passais dans mon sous-sol de mes parents à 2h, 3h du matin en train d'écouter de la musique punk à la radio communautaire, tout avec le volume bas parce que je voulais pas réveiller mes parents. Aidez au public, à la communauté, de découvrir la nouvelle musique en faisant un petit don. 416-736-5656. Visitez chlgrec.fm pour faire un don en ligne. Je vous laisse avec ça. Ben, je vous laisse pas, je reviens, là, mais je vais faire jouer une autre chanson. Cette fois-ci, je vais faire jouer une tune de... Qu'est-ce que j'ai préparé? Une tune de Diego Palavas, le nouvel album Expédition Punitive. C'est vraiment... Vous n'allez pas entendre Diego Palavas ailleurs sur la radio commerciale ici au Canada. Je sais pas en France, là, mais en tout cas, la radio Canada, vous n'allez pas l'entendre ailleurs. Et je vous garantis qu'il y a pas d'autres émissions, pas d'autres stations de radio qui font faire jouer du Diego Palavas en Ontario ou peut-être au Québec, oui, au Canada, il y en a, mais Sous Pression, on est vraiment la seule, d'après, j'ai cherché, une Sous Pression, c'est la seule émission de punk francophone dans le Canada anglais à l'extérieur du Québec. Alors, c'est vraiment... Si vous aidez, on est une ressource pour les francophones hors Québec. Et bien sûr, les francophones au Québec qui peuvent nous écouter et les francophones outre-mer qui nous écoutent à partir de l'Internet. Parce que, appelez-nous 86-736-5656. On continue avec une chanson par Diego Palavas, la chanson « Mézig et moi » ici à Sous Pression. Diego Palavas avec mes Zig et moi. Appelez-nous 86-736-5657 pour faire un don. 86-736-5656. Entre-temps, en attendant, je vais jouer du crève-cœur ici à Sous Pression. Tu cherches encore à nous réduire, à nous soumettre à ton empire. Jeunesse, on tire sans cesse sur nos laisses. On se débat pour échapper à des cages aseptisées. On se débat pour s'échapper. On affiche la couleur sans mêler ou être vengeur. Insurgé de l'intérieur, condamné au crève-cœur. Ailleurs aussi il faut applaudir, se cabrer et rugir. Ailleurs aussi il faut mentir. On n'a pas de plan pour l'avenir, rien que serrer les dents et voir venir. Et allumer des feux parfois, juste pour le plaisir. Et allumer des feux de joie. Prendre avantage de ce petit solo pour vous rappeler que le numéro à appeler, c'est 416-736-5656. 416-736-5656 pour faire un don et appuyer la radio communautaire, la radio indépendante. la nuit tombe aussi noire. Qu'elle soit on garde au cœur un espoir. Qu'un orage crève tout à coup, que la tempête emporte tout, que l'orage crève et balaye tout. Appelez 416-736-5656 pour appuyer la radio communautaire. C'était Brigada Flores Magone, ici, à sous-pression aux ondes sèches à Grec 105.5 FM. Pourquoi pas, on va écouter un peu de Salvation City Rockers en arrière-plan. Alors, comme je parle un peu depuis le début de l'émission, là, c'est la période de financement de CHL Grec. Ça court du 10 au 20 octobre. Alors, cette semaine, c'est une émission spéciale de sous-pression. On fait un peu... la programmation est un peu normale si on fait jouer de l'excellente musique. En tout cas, selon moi, de l'excellente musique. Mais je vais vous parler un peu plus de ce qu'on fait ici à CHL Grec, les services qu'on vous offre. En espérant que... Soyez honnête, j'essaie de vous encourager de faire un petit don et d'appuyer CHR Grec parce que c'est la radio communautaire, c'est une cause qui me tient à cœur. Appelez le 416-736-5656, 416-736-5656, un peu pour vous rassurer si vous avez des doutes que CHR Grec se sert bien de l'argent que vous nous donnez très généreusement. CHL Grec, depuis les 25 dernières années, on compte vraiment sur vos dons, on compte vraiment sur votre appui. Votre appui, c'est ça qui nous permet à diffuser 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et dans les dernières années, depuis les 15 dernières années environ, on essaie d'augmenter les services qu'on peut offrir à la communauté. On se sert de vos dons pour augmenter nos services. C'est comme par exemple, dans les 10 dernières années, on a inauguré le site web de CHR Grec, c'est le chrgrec.fm, ce qui a permis aux gens d'écouter l'émission en direct partout dans le monde, que vous soyez à Toronto, que vous soyez à Vancouver, à Montréal, au Bangladesh, l'Australie, n'importe où, vous pouvez l'écouter en direct. Alors, c'est ce qui permet ce qui permet aux voix de la communauté ici à Toronto, la communauté de l'Université York, la communauté de Toronto, de pouvoir diffuser leur voix un peu partout dans le monde. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'est permis de se procurer du matériel, de l'équipement pour qu'on puisse amener le studio dans la rue, quelques exemples. Des fois, on amène le studio presque littéralement dans la rue. On a de l'équipement portable, on peut l'amener dans des événements communautaires. On a eu ici, juste à Toronto, c'est par exemple le Driftwood Community Festival qu'on fait, le Eglinton York Street Festival qu'on organise. On y va et on diffuse en direct à partir de ces événements-là. Alors, CHL Grec, on n'est pas seulement une radio communautaire dans le nom seulement. C'est pas juste notre nom d'être une station communautaire. On est vraiment littéralement une station communautaire, de radio communautaire, parce qu'on s'implique dans la communauté, on va aux événements communautaires. Il y a 2 ans, CHR Grec diffusait en direct à partir de la manifestation du 1er mai. C'est que d'habitude, tu ne vas jamais entendre ça aux radios commerciales. On est une station communautaire qui priorise la programmation alternative. Il n'y a pas seulement de la musique, mais les points de vue aussi qu'on entend, les points de vue, de gauche, des points de vue alternatifs, des points de vue qu'on n'entend pas à la radio commerciale. Alors, dans ce sens-là, on est vraiment une ressource informatique pour de l'information pour la communauté. Alors, c'est grâce à vos dons, grâce à votre appui qu'on a pu faire ça, qu'on a pu être présent dans la communauté pendant des festivals, des manifestations, et c'est grâce à vos dons qu'on puisse diffuser partout dans le monde en direct. Alors, on vous remercie pour ça. On a fait ça pendant les 25 dernières années. On va continuer à essayer de faire ça pendant les 25 prochaines années, mais on compte sur vous. Alors, rappelez-nous, 416-736-5656. Faites un don, 416-736-5656. Et aussi, si vous voulez faire un petit don en ligne, vous pouvez faire ça si vous n'êtes pas dans la région ou si vous ne nous écoutez pas en direct, parce que je vais mettre l'émission sur le site web de sous-pression. Visitez le site web de sous-pression. C'est sous-pression.wordpress.com. Sous-pression.wordpress.com. Vous pouvez faire un don en direct et en ligne, pardon. Et c'est sécuritaire. Moi, je fais des dons. Je vais appuyer. En plus d'être bénévole ici, je fais aussi des dons pour appuyer CHR Grec. Moi, je le fais en ligne. Et alors, c'est ça. Appelez-nous 416-736-5656. 416-736-5656 ou bien visitez le sous-pression.wordpress.com pour plus d'informations. En attendant, je vous fais jouer une autre musique, le jeunesse à Petré, de la chanson La fin d'une époque, ici à sous-pression. une boisson, un vin d'hélice. Refuse la mode de son époque, porte des lanceurs sous les vogues. Il pour sa tête tous les samedis, pour ramasser pour un hippie. Il a choisi d'être chic et smart, tout utile en laissant sa carte. L'éclaman trip sur et ma pile comme un fan. Joue au courtois avec les femmes. Tu fais tout pour plaire à tes femmes. Tu aimes les rues londoniennes. Crois qu'un jour cette bulle sera tienne. Tu perds des racines de rien. De rien tu t'es des groupes en mec. Que sont devenus les groupes à tu fais ce qu'il y a de la star. C'est peut-être un monde à notre âge. Et qu'importe l'être en vivant. T'habitues la patience quand quand vous jouez. Tu resteras route, bouge-toi sur les rythmes de tous. Dans ton quartier ou dans ta ville, les bornes ne seront pas tranquilles. Salut, vous écoutez toujours Sous Pression, zone CHLY 105.5 FM. Dans le dernier bloc, on a écouté du Yabasta, la chanson 60s du Jeunesse Apatride, avant ça avec La fin d'une époque. Et comme depuis le début de l'émission, je vous rappelle que c'est une émission spéciale pour la période de financement de CHLY. Pardon. Alors, rappelez-nous, 416-736-5656, 416-736-5656, pour faire un don et pour appuyer la radio communautaire. CHLY, vraiment une ressource pour la communauté et on vit de vos contributions financières. Alors, mais avant de partir, il nous reste 10 minutes ensemble environ. Je veux remercier ceux et celles qui ont déjà fait un don. Aujourd'hui et avant l'émission. Alors, je tiens à remercier Patricia qui a fait un don et qui se méritera une compilation de musique, une compilation originale sous pression avec 10 morceaux par 10 groupes de punk ska hardcore francophone. Harry aussi a fait une contribution. Je remercie Joanna, Sarah et Dave ont tous fait des contributions. Alors, je tiens à les remercier. Et aussi, presque oublié. Isa a fait un petit don. Alors, je les remercie. Je remercie tout le monde qui a fait un don. Je remercie aussi ceux et celles aussi qui ont appelé pendant l'heure. Je suis désolé, j'ai pas vos noms parce qu'il fallait que je reste dans le studio. Et alors, je vous remercie beaucoup et je vous remercie ceux et celles qui vont continuer à donner, qui vont continuer à faire des contributions financières et aider à CHLY de continuer à diffuser, de rester en vie et de continuer à offrir des services à la communauté parce qu'on vit vraiment de vos dons. Ça fait 25 ans là, cette année qu'on existe, que CHLY diffuse, que CHLY est en onde et on espère continuer pour un autre 25 ans, 50 années, 100 années, 100 ans, je sais pas. Ça va être le futur, on sait pas ce que le futur nous sait, mais on peut, si on existe, si CHLY continue à exister, ça va être grâce à vous. Alors, je vous remercie d'avance et je vous remercie ceux qui ont déjà fait des dons. Si vous voulez faire un don, appelez 416-736-5656, 416-736-5656. Sinon, visitez le souspression.wordpress.com. souspression.wordpress.com pour plus d'informations sur comment vous pouvez faire un don en ligne, un don sécuritaire. T'sais, chaque contribution est importante. Si vous faites 5$, 10$, 20$, 100$, 100 000$. Aussi, si vous êtes à l'extérieur du pays, je sais qu'on a dû parce que à cause de l'internet et du monde qui nous écoute peut-être dans quelques coins du monde. Si vous voulez faire une contribution financière, vous pouvez faire ça à l'extérieur du Canada aussi, bien sûr. Alors, c'est ça. Je vous remercie tout le monde qui a fait des dons. Je remercie tout le monde qui va continuer à faire des dons et appuyer CHRY et Sous Pression, parce que en appuyant faisant un don à CHRY, vous permettez à Sous Pression de continuer à exister. Alors, je vous remercie beaucoup d'avance et c'est ça. On est vraiment sous pression. La seule émission de punk francophone à l'extérieur du Québec. Je sais qu'il y a des émissions à Québec, mais au Québec, mais dans le Canada anglais, on est vraiment la seule ressource pour les francophones hors Québec. Alors, c'est important de continuer à appuyer CHRY et Sous Pression. Alors, je vous laisse avec je vais pas vous laisser. J'ai peut-être le temps de faire deux dernières chansons. La chanson d'arrière-plan, la gâchette vient de terminer. Alors, tant que continue en musique. Une des chansons qui est sur la compilation de Sous Pression, c'est du Marabout, la chanson Souvenir de leur EP éponyme. Alors voici du Marabout. Je retourne peut-être une dernière chanson après ça. Alors, c'était Marabout de leur EP éponyme, chanson aussi qui vous allez trouver sur la compilation de Sous Pression qu'on a créée afin de vous remercier, ceux et celles qui font un petit don pour appuyer la radio communautaire, la radio Sous Pression. Alors, je vous laisse avec une dernière chanson, Perle la gâchette, leur nouvel album À travers le temps. Là, vous écoutez du Streets of Rage, aussi sur la compilation. Je vous laisse avec la gâchette. Appelez 416-736-5656. C'est pas trop tard pour faire un don. Et si vous voulez faire un don en ligne sur l'Internet, le site sera en ligne jusqu'au 1er novembre, le site qu'on a créé afin de vous permettre de faire un don en ligne. Ça sera actif jusqu'au 1er novembre. Alors, vous reste plein. Visitez souspression.wordpress.com et faites un don. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine. Voici la gâchette.